pas. Bien sûr, je l'aime, ma fille. Elle est trop brille. Elle brille. Elle est super, parce que elle brille, ma fille Camille. En plus, elle a plein de pâtes. Elle pétille complètement. Elle est ravissante. Oh, ça finit pas par il, mais bon. Elle est ravissante, ma fille Camille. T'es gros nigo, toi. Bien sûr, elle est super mignonne. Elle brille, elle brille, elle brille, elle pétille. Comme le début de campagne. Gros nigo. Mais arrête, hein, tu vas m'énerver, hein. Si j'écoute ça, parce que moi, Camille, et ben, c'est ma fille. Et ben moi, je l'aime, elle pétille. Un jour, j'avais acheté un stylo à billes et elle m'avait dit, mais tu te moques de moi, tu te moques de ma bille. Et ouais, c'est comme ça. Et après, quand elle est devenue grande, et ben, elle est partie. Et moi, j'étais content pour elle parce que après, elle allait comme ça. Elle allait encore plus pétiller.